les autres cartes. T'inquiète pas, c'est enregistré. Parce qu'elles peuvent être. Il faut bien enregistrer dans ta tête les autres cartes. Parce que ça va être dur là. Tu vas avoir à les deviner à un moment ou à un autre dans la partie. D'accord. Oui, madame. Jaune, on m'a dit. Hein. Donc en fait, là, faut pas que je regarde les cartes de Randall alors qu'il me les montre ostensiblement. Bah, il suffit d'être un peu motivé, quoi. Enfin, d'être honnête, en fait. Voilà, les cartes qu'on élimine, beaucoup, moi, c'est ces cartes éliminées. Oui, ouais. C'est moi, les cartes éliminées sont là. C'est les jaunes, hein, David. Voilà. Oui, donc, bleu, on va faire un tas. Le bleu, on s'en fout, c'est les jaunes. Ah, c'est les jaunes. Non, mais je l'ai dit depuis le début. Surtout, j'ai dit, assurez-vous que chaque joueur ait bien compris tout la couleur. Tout ce qui se passe à partir de maintenant est entièrement bizarre, là. Bah, c'est pour montrer une. Donc, les jaunes que je suis sûr de pas faire. Voilà, tu élimines deux cartes jaunes. Côté jaune. Côté c'est... jaune que t'as pas du tout envie de voir apparaître dans la partie. C'est vrai que c'est l'inverse d'un Ricard, il y a beaucoup de jaune dans un peu d'eau en fait. Voilà. Il y en a censé en avoir combien au final? Il me faut un stylo. À la fin, on en a 4. Non, peu importe ce que tu as, le total c'est que t'en élimines 2. Moi j'en ai 5. Ouais, stylo. J'en ai 5. C'est ça, normalement. J'en ai un dans ma sacoche normalement. Ah, alors, c'est bien. On joue avec les règles à la cobale. Mais il faut une feuille aussi. Il y en faut 4 ou 5. À peu près 4. Combien de cartes ils sont censés rester en main? 4. 4. Mais moi j'en ai 5, je sais pas pourquoi. Ça dépend, il y a des gens qui doivent avoir 6 cartes au départ. Ah, 5 pour 5. Voilà. C'est une merde. Moi j'en ai 4, pourquoi on n'a pas le même nombre au départ? D'accord, ça c'est les 6. On est 40 et on est 6. Donc l'équipe 1, c'est l'équipe David, Randall, on appellera l'équipe Oasis. Oasis. Et l'équipe 2, c'est l'équipe Azertov, Anna, Nemo. Hein? Ça fait A-A-N. Ah non, je te donne. Voilà. Draw, t'as l'équipe Draw et t'as l'équipe A. Quelles sont les cartes que l'on garde? Celle-ci. On fait un tas avec les cartes que l'on garde. Ok, les cartes que l'on garde. J'espère que vous avez bien enregistré les cartes. Ah oui, que vous avez gardé. Ça, c'est une carte gardée ou si pas? Si, je suis trouvé des noms. Non, je pense que c'est. C'est jeté. Ouais. Ouais. Très bien. L'équipe d'or. Première manche. Alors, ceux qui ne connaissent pas les règles, écoutent bien. Ah, c'est une seule pile. Non, moi, je pas. Les règles, on c'est connaît. Une seule pile, tu fais un paquet. On ne fait pas les règles à l'Aquitaine. Non, on fait pas les règles. La première, la première manche. Il faut faire deviner. Tu vas te retrouver avec tout le tas de cartes entre les mains. Et le but, c'est de faire deviner à tes partenaires de jeu le nom qui est sur la carte. En jaune. Ok. D'accord. Pour cela, première manche, tu as un certain nombre de contraintes. En un temps limité. Oasis. En un temps limité. Tu as 30 secondes. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux. Je peux parler. Pendant 30 secondes, d'accord, sans pouvoir passer la carte que tu es en train de faire deviner. Non, ça sert à rien de m'imiter, c'est inutile, c'est complètement inutile. Par contre, tu as un nom sur la carte. Admettons, tu as, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, Louis XIV sur ta carte. Vous êtes vraiment les gros connards. Surtout un. Surtout deux là, les deux là. Ah bon, j'aurais jamais fait ça. C'est normal, je le vois pas, mais c'est normal. Tu vois ça, pas à l'arrière, quoi. Voilà. J'ai pas de rétroviseur. Moi, je regarde lui. Hein, c'est... Même la chatte, elle fait pareil. Hein. Tu peux dire tout ce que tu veux, sauf des choses qui ont des. Par exemple, si c'est Michel Blanc, tu peux pas dire White, c'est Michael White, tu peux pas dire. Merci. C'est l'inverse de Michael White en français, tu peux pas dire ça. Mmh. Tu peux faire deviner tout. Vas-y, j'arrête. Durant la première manche, l'orateur parle librement. D'accord, on parle, on dessine pas, on fait voilà. Que parler. Le but, c'est qu'une carte devinée, elle est gagnée pour son équipe. Oui. D'accord. D'accord. Deuxième manche. Oui, tu fais des mimes. Tu ne peux dire qu'un seul mot. Ah oui, tu fais qu'un mot. Un seul mot. Par contre, bien. Tu peux passer. Ouais. Si par la exemple, carte, Michel Blanc, tu dis bronzé. Tu peux dire, ou alors tu peux dire du... couleur. Ou tu peux dire bonjour. Et surtout, à savoir que c'est la même liste que la. Renard. Chaque tour. Non, tu les connais, les gars. Michel Blanc, Renard, il y a un moment donné. En fait, tu tires une carte, tu fais deviner. En disant tous tes mots. Le deuxième tour, c'est que tu prends la même carte. C'est toujours la même pioche. C'est toujours la même pioche. Et tu fais, et tu connais les cartes. Et t'inquiète pas, la troisième phase, c'est du mime. C'est très drôle. Ouais, au moins 58 ans. Quand on pourrait jouer là. Troisième manche. Ah hein. Troisième manche. Et moi, tu m'embrasses pas. Oui. Troisième manche. C'est tu du mime. Tu peux passer aussi autant que tu veux. Sauf que tu dois mimer. Ça va être cool, on va s'arrêter à la deuxième. Non. Non, la troisième. Oh c'est... que non. T'inquiète pas, la troisième, on connaît j'ai les cartes. J'ai tellement envie de te voir mimer complètement bourré. Avec ça, j'espère que t'auras mimé. Je suis pas bourré. Pas encore. C'est le mec. Je suis pas bourré. C'est pas vrai, regarde. Non, mais. C'est pas vrai, regarde. J'arrive pas. Regarde, je marche droit. Regarde. Attention les câbles. Donc, marque-moi une bassine. Nous attention avons ici soit, Nemo. Le minuteur. Je voudrais pas que ça devienne une galette grotteuse. Alors, si vous voulez, je peux commencer non, avec je veux bien mon équipe. Ou tu commences ? Il faut toujours découvrir, faire découvrir à son équipe. Voilà. Donc c'est là, à son équipe. Je vais deviner à Zartov. Par contre, l'autre équipe, c'est bien. Il y en a un qui fait deviner à l'autre, qui fait deviner à l'autre. L'autre ne peut pas deviner, deviner en avance. Non. Ça permet des fois d'avoir des indices, de reprendre ce qu'ils ont dit si nous, on a deviné. Il y a un téléphone qui va se péter la gueule. Nemo, écoute bien. Oui, c'est moi. Écoute bien ce que dit l'autre équipe parce que nous, ça peut nous aider quand c'est notre tour. Je connais le jeu. D'accord, bon, tu connais le jeu, c'est très bien. Je connais le jeu. David. Ah, moi je connais le jeu. David, ouais, prends le tas de cartes, tu regardes bien les jaunes. Non, mais c'est à moi de commencer. Ah, c'est à toi de commencer. Oui. Ok. Pourquoi donc, c'est à toi de commencer? Je sais pas. David, tu es maître c'est du temps. Le plus habillé Oasis, en bleu vert qui que ça, c'est l'audace, tu vois. Je suis désolée, je sais, plus moi. Confiance en toi quand David. Il est habillé en gris. Je sais pas combien de temps ça va durer, on attend que tu aies terminé ton verre. Il est habillé en bleu vert, c'est le plus bourré qui commence. Oula! Bon bah, c'est simple, ceux qui arrivent à faire ça, ils sont bourrés. C'est tellement le moment de faire un CVT. Tu donnes le top départ? Quand tu commences, tu décrètes. C'est tellement le moment d'aller sur mon vol et de faire un CVT. Je pense que c'est un t-shirt qui est habillé. Oui. C'est parce que j'ai mis. C'est celui qui a un t-shirt qui est habillé. C'est confortable, au moins t'as pas les couleurs des marques. Bon, oui, c'est ça. Peut y aller, mais merde. Attends. David et Rondal, vous ne répondez pas à ce tour. Ouais, parce que sinon. Vous gagnez des points à l'équipe adverse. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est pour ça, c'est un sort de. Pourquoi tu parles comme ça? J'ai joué avec le mec de Nanarland, moi. Okay. Avec Monsieur Nanarland, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Attention, c'est vrai. C'est des mecs qui font des parfums. Moi dans l'esprit. Karl Lagerfeld. Non, Dior. Ah bah c'est mort. Christian, ah oui, top. Parenthèse. Une fois qu'on a dit un nom, c'est mort. Prénom n'est pas obligatoire. Hors parenthèse, nom et prénom obligatoire. T'as dit Karl Lagerfeld, c'est fini. Il n'est pas obligatoire. Non, tu peux tout dire. Par contre, c'est deuxième et troisième manche, t'as droit à qu'une seule réponse. Donc ça passe. Ouais. Là, tu peux blinder. J'ai le droit de passer ? Tu peux blinder l'idée. T'as pas le droit de passer. Alors, c'est un héros de BD. L'Enfance de Troie. Non. Captain America. Non, c'est de français. C'est belge. Franco-belge. Ah, Tintin. T'as le droit non, de passer. Non, il y a eu un film. Il y a pas Valérian. Tu peux m'arrêter. Ah oui, les deux ont le droit. Et en fait, les autres ont le droit de l'ouvrir ou non, non, ils ont le droit de la fermer surtout. Bah ouais, mais alors le problème, c'est que je le connais pas. Mais nous, on joue quand. Alors, tu peux faire du rébus. Tu peux faire des liens avec d'autres personnes. C'est fini. En même temps, on m'empêche de faire le CV. Quand la carte. Ah, attention, non. Quand la carte n'a pas la été devinée, elle reste sur le dessus. Bon courage. Ah, on va dans ce sens-là ? Sens horaire, quoi. Et là, faut que je fasse découvrir. Attention, c'est limite. Jaune. Attention, limite. Attention. Top. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu m'as empêché de parler, je peux dire quoi que je veux. Allez. Non, mais en fait, tu vas jamais y arriver. C'est un maître des mots. Ouais, c'est vrai. Un maître des mots. Oui, humoriste. Astérix. Humoriste, mais c'est plus le même que tout à l'heure. C'est jaune ? Oui, c'est jaune. Humoriste, décédé, maître des mots, des jeux de mots, tu devrais forcément oui, connaître. Oui, je sais qui c'est. Il est vieux, un peu en bon point. Il est mort. Ah merde, il est mort. C'est pas Bedos. Devos. Devos. Bien joué. Mais t'as pas pris la même carte que moi. Allez, on continue. Non, il a pas pris la même carte que moi. C'est bien les jaunes, enfin, Oui, c'est toi qui es mal rangé. Elle est gagnée. Bon. Il est allergique. Il est pas allergique au tomate. Oh merde. Et c'est un vrai mec. C'est fini. Et comme elle n'a pas été devinée, elle reste sur le dessus. Putain, ça me dit un truc, ça. Mais oui, forcément, c'est un. Il y a eu un film dessus. Freddy. Non, ça sert de moyen de contraception. Capote. Un diaphragme. Capote. Il a été dans l'espace. Valérian. Louis Armstrong. Non. Oui, c'est bon. Il y avait Armstrong, non, il y avait le prénom. Armstrong, non, c'était Vélo. Non, non, c'est Vélo. Mais c'est bien, et on a trouvé. Armstrong, c'est pas grave. C'est bon. Toutes les réponses, arrête de négocier. C'est un chanteur français. Jean-Luc Ley. Non, c'est fini depuis 2 minutes. Oui, mais bon, il y a eu le coup de la carte. C'est fini depuis 2 minutes. C'est fini depuis avant que vous jouiez. Voilà. Ouais, c'est ça. Attention, vas-y. C'est bon. Attends, c'est les nôtres, hein. Oui, moi je les ai mis. Ouais, c'est ça. Et top, c'est top. Alors c'est un chanteur français assez âgé. Balouane, non. Qui a chanté une chanson où il parle du Vercors. On dirait le sud, non. Putain, la pêche. Vie. Dans le fleuve tranquille. Non. La vie dans le Loir-et-Cher. Non. Putain, je suis plus. La vie du papa de Roger. Essaye un rébus. Essaye en rébus, ouais. Quand on veut couvrir une piscine, on met. Ah non. Vas-y. Mais non, tais-toi. Non. Pierre Bachelet. Non. Tais-toi, Nemo. Nemo, garde-le pour nous. Je tu devines pas. Top. C'est un bachelet. C'est fini, chute. En fait, je pensais à Pierre Bachelet. Personne ne l'a deviné. C'est toi, c'est, ah toi. Oui. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais t'as raison. Je connais, bon. Je connais, c'est, mais je prends partie de cette chanson. C'est parti. On l'a vu dans Percor, merci. Alors, c'est un réalisateur de films, il a fait Brasil, il a fait. Terry Gilliam. Voilà, merci. C'est un héros de bande dessinée. Valérian. Non, c'est Tintin. L'autre. Yoko Tsuno. Ça ressemble à quelque chose qui brûle. L'enfeuse de Troie. Merci. Okay. C'est un chanteur qui chante Le Petit Pont de Bois et qui prend du Jacques Chirac. Et qui prend des enfants par la main. Oui, putain, il est putain. Merde. Alors, c'est un éléphant de Disney. Babar, merde. Babar, top. Babar, c'est un éléphant. Ah oui, tu peux pas dire. Puis Babar, c'est un éléphant. C'est bien, c'est bien, on a assuré les coins. 1, 2, 3. Éléphant de Disney avec des grandes oreilles. Dumbo. Non, c'était Babar. Après lui, l'herbe ne repousse pas. Après lui, l'herbe ne repousse pas. L'herbe ne pousse pas. Oui, ma bite. Non, tu peux pas. Putain, c'est quoi. Il veut dire autre chose. Dans Kaamelott, il vient attaquer. Il veut des petites. Il veut le linge de maison. Attila. Attila. Putain, après lui, l'herbe. C'est un chanteur, son père. Son père. C'est le fils. C'est le fils de son père qui faisait des comédies musicales qui s'appelle Louis. De son père. C'est le fils de son père. Et on l'appelle M. Mathieu Gilles. Il fait des films de cul. Top Torsel. Top. Il a dit Torsel. Non mais après le top. Non, top non, ça va, et c'est ta faute. Par contre, elle a été devinée, elle retourne derrière. Elle est dedans. Dorsel aussi. C'est logique en même temps. C'est bon, c'est bon. T'as vu l'efficacité, comment ça marche? Dorsel, ouais, totem. Non mais putain, j'ai fait 3 réponses. J'ai l'intégrale. Ah vous en avez fait une, j'en ai fait 3. Oh putain. Prêt? C'est bon? C'est parti. Bon alors, c'est une actrice, mais j'ai aucune idée de ce qu'elle a fait. Normal. Américaine. Angelina Jolie, c'est bien. Son nom est en 3 lettres, j'ai le droit de le dire ou pas? Non, ça c'est plus tricher. Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Bon, bah, Mia Farrow. Le mec qui répète. Jean-Michel Jarre. C'est un nom d'animal. Oui, ça c'est bien. Loudoyon, non, elle est américaine. Son prénom, c'est le nom d'une série française. Morgan Fox. Non, son prénom, c'est le nom d'une série française. Ah. Une série française de merde humoristique. Mais c'est qui cette conne? Caméra Café. C'est qui cette conne? Bah, je sais pas, on va voir. Oh. T'es prêt? 1, 2, 3. Mulder. Scully. Non. L'autre. Mulder. C'est un trou. Je sais rien. Le prénom Mulder. Mais je connais pas ça. Fox. Fox. Megan Fox. Non. Fox, j'ai dit Fox, c'est non, mais non, c'est le nom de famille. Il faut nom et prénom. Non, et puis c'est pas une actrice. Il faut nom et prénom. S'il n'y a pas la parenthèse, il faut nom et prénom. Je sais pas, Samantha Fox. Bravo, voilà, c'est fini. Ah merde, c'est pas une actrice, c'est une chanteuse de merde italienne. C'est rien, j'ai dit. Lieutenant. Colonel Moutard. Colonel. J'ai dit Morgan Fox. Général. Morgan Fox. Colonel. Sergent. Non. Lieutenant. Lieutenant. Rajoute des trucs. Top, je sais pas. Top. Tu me fais chier. Colonel Rayel. Non. Oh, putain. Ouais, non, le jeu est vieux. Là. C'est pas une actrice, Samantha Fox. C'est chaud. Non, c'est une chanteuse de merde de Rodney. Vous avez regardé cette carte. Elle va casser. Un peu comme Laurent Doucet. Comme Sabrina, tu vois, les mêmes époques. C'est un grade. Colonel. Colonel, lieutenant. Et il casse chaud. Des trucs. Major. Il y a eu un film avec les Avengers dedans. Oh, ah, Captain America. Et du coup, il casse des trucs. Captain Fracasse. Ouais. C'est une maison d'édition. Canard. Et c'est un roi. Flammarion King. 4. Je sais pas si j'ai le droit. Henri. C'est bon. C'est Ah bah c'est moi, je sais que j'ai. Pourquoi vous avez gardé ces cartes? Captain Fracasse, c'est qui Captain Fracasse? C'est moi, mais j'en ai retiré d'autres que je connaissais pas. C'est dur à faire. Vas-y. Ouais. Top. Henri Flammarion. Voilà. Alors, c'est un acteur français assez connu, il a joué dans Les Choristes. Junio, Michel Blanc. Non, Junio. Il joue un des professeurs. Je crois que c'est pas son meilleur rôle. C'est un des dans Les Choristes, il joue un des. L'émission. Comment il s'appelle, machin. Non, c'est... il est plus âgé que ça. Pef. Non, celui qui présente. Pef dans Les Choristes. Qui a tué les Pamela Rose. C'est un mauvais jeu de mots avec chaussures. C'est un KDO alors. KDO. Non, c'est plus. Top. J'ai qu'une seule référence de ce film. C'est vous là. Tu vois, j'ai qu'un film en référence de lui. Ok. C'est parti. Alors, c'est un acteur français ancien connu qui est un peu cheveux blancs mais qui était blond, qui joue souvent avec Sabine Azéma. Alors, un nom, effectivement, le nom de la chaussure, comment on parle de chaussure en argot pas drôle. Non, plutôt on dit va chausser tes. Quand t'es ivre, tu es. Bourré. Ou autrement, chanson. Plutôt en langue en français c'est soutenu. David. Quand tu on es pompette. Tu... Ouais, non, autre. Ah, oh merde. C'est qui ce top. Mec top. Allez, top, je sais, c'est bon. C'est qui ce mec? Non, c'est Joël. 1, 2, 3. Anthony Solier. Voilà. Putain de chaussures. Attendez, c'est quoi le mot? Attends, top. C'est quoi le rapport avec ivre? C'est quoi les chaussures? Oui. Les chaussures. C'est comme moi. Du solier, du soulier. Du soulier. Du soulier. Je sais pas, c'est chaud. Et André, c'est une marque de chaussures aussi. Quel excellent acteur d'ailleurs. Oui. C'est bon? Je crois que c'est parti. Voilà, l'ancien présentateur des grosses têtes. Philippe Bouvard. Allez. Un caillou. Pierre, tu l'as. Quand t'es. Attends, tu es ok avec moi, tu es. Pierre, d'accord. Oui, tu raccourcis. Pierre Dac. Voilà. Jurassic Park, c'est Grippard. Mac le plus jeune. Mon précieux. Gollum. Enfin, 24 heures. Non. 24 heures. 24 top, heures. Top. Ah ben vous avez vu l'efficacité? Oh putain, Pierre, c'est énorme. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Le héros 24 heures chrono. Jacques Bauer. Axel. Le méchant dans Lucky Luke. Avril Dalton. C'est pas un méchant, c'est plus gentil. C'est une série de merde. Non, c'est une série de merde sur TF1. Joséphine Ange Gardien, Julisco. Mais en fait, je pensais pas à ça du tout. Oubliez. Putain, mais c'est qui cette conne? Je sais pas. C'est une série de merde sur TF1. Il y en a tous les top, jours. Top. Je sais pas qui c'est. Il y en a au moins par jour. Ah oui, non, oulala. On est loin de ça. Ça va être dur. 2, 3, démon. Démon, ange. Ange, enfer. Angélique. Marquise des anges. Voilà. Mais c'est qui? Putain, mais. Gladiator, Crow. Oui. Russell Crow. Oui, Russell Crow. Oh putain, mais. The Mask, Jim Carrey. Non, l'autre. Blondasse. Bonasse, oui, la blonde qui jouait. Ah putain, je sais pas, Marie à tout prix. Ah oh, putain, je m'en rappelle plus. James. Jimmy. Réalisateur James. Je l'ai. Titanic. Cameron Diaz. Ah merde. Putain. Ah putain. Top. Je dirais ça. C'est qui tous ces gens? Des fois, il y a des moments quand t'es pas sur la fin. Angélique Martin. Oui, rien dire. C'est un film de roman à l'eau de rose des années 80. Cameron Diaz, c'est une actrice blonde. Bonasse de The Mask. On est bon. Donc après, il y a une actrice en The Mask. 2, 3. Centenaire française. Jacques Calment. Chanteuse jeunesse. Laurie. Chantal Goya. Ouais. Oh putain. Enfant attardé. Dessin animé, petit garçon blond. Avec un béret, super force. Oh merde. Ah, trop Popeye. Sympa. Je sais. Popeye. Non. Petit garçon Popeye, non. Non. Un petit garçon. C'est dommage. Un jeune homme. J'ai il y a eu une adaptation en film qui va aller. Ah, petit Nicolas. Non. Ah, c'est dommage, c'est fini. Ah putain de merde. C'est qui ce con? Ouais, on l'a réalisé, tu vas le savoir là. Attention. J'espère que t'as le coup. Benoît Blisfer. Benoît Blisfer. C'est lui qui a fait. C'est un grand groupe porno qu'on connaît, que t'as cité. Marc Orsel. Voilà. Et voilà, et okay. Allez. Alors, chacun compte ses cartes. C'est vraiment de la merde. Mais non. Maintenant, le tour d'après, on va remettre toutes les cartes en jeu que vous avez déjà devinées. À moitié chacun. Il faut dire un mot. 12. Pour, non, ah putain, ils ont gagné 16 cartes contre 12. Avec moi, tout le monde gagne. Le but, c'est que là. Tu demanderas au mec de Nanarland. Alors, David. Je les remets dessus. Hein. On peut mélanger. David. Qui a joué avec le mec de Nanarland. David. Le mec de Bruno et qui a le mec de Nanarland. David, écoute bien. C'est Pape Gordon. Cette manche. Ouais. Tu peux passer ta carte. Tu as le droit de faire je passe. Et tu n'as le droit de dire qu'un mot. D'accord. Pour faire deviner le nom. C'est nous. En gros, c'est toujours dans les jaunes. C'est alors toi qui a terminé. C'est la même liste. Non. C'est Oasis qui a terminé. Non, c'est moi. Donc c'est à moi de reprendre. Tu passes. Non, c'est moi qui a terminé. Non, c'est Oasis qui a terminé. En gros, t'as une carte, tu dis un mot. Ouais. On dit une réponse. Si c'est bon, ok. Si c'est pas bon, tu passes et tu fais la carte suivante. À ce moment-là, c'est l'équipe suivante. T'as pas le droit à deux bonnes réponses. C'est encore nous. T'as en fait. Le droit de passer ta carte. T'as du temps, par rapport au tout d'un coup. Si tu vois ta carte et que tu... les autres ils y arrivent pas. Je dis un mot, ils trouvent pas, je la dépose et je passe à la suivante et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. Là, par contre, tu n'as le droit de dire qu'un mot, ils ont le droit de dire qu'une seule réponse. D'accord. S'ils donnent une... Si la réponse est fausse, tu passes à autre chose. Ça marche. D'accord. D'accord, même si la réponse est fausse, c'est brave. Ouais. Voilà. Ça coupe pas. Chaîne. C'est par ça, contre, s'il y a de la si je vois qu'il galère d'autres. Ah oui, si la réponse est fausse, de toute façon, je passe. Voilà. Ah oui, c'est si bon. Alors, s'il galère, je passe. Tu passes. S'il galère, tu passes. Ça marche. Ça devrait aller. Quelqu'un veut dire là. Oui, c'est au Oasis qui est terminé. Oui, Sarah. Vous m'écoutez? Ouais. 1, 2, 3. Éléphant. Dumbo. TF1. Angélis, Marquise des Anges. Oh, joli. Jurassique. Angélique, Marquise des Anges. Pas Angélise. Jurassique. Oh putain, je vous déteste, je passe. Je moi passe. Aussi, je détesterai personne. Je passe. Chaussures. Dussolier, André Dussolier. Je passe. Je passe. Je passe. Celle-ci est. Je passe. Tu m'achètes des châteaux. Je passe. Et surtout, t'arrêtes. Lune. Stop. Tu arrêtes, c'est fini. Lune. Ah. C'est trop facile, ils se connaissent. Deux. Trois. Non, non, non. Et je passe. Je passe. Luc et Luc. Avrel. C'est bien. Ah. C'est Dalton. Avrel Dalton. Avrel Dalton. Ça va, vous avez dit Angélise. Précieux. Gollum. Gollum. Créateur. Je passe. Créateur. Tomate. Quoi? Tomate. Je l'ai celle-là, je l'ai celle-là. Je passe, putain. Piscine. Stop. Je l'ai, hein. C'est bon, je l'ai. Créateur, c'est tellement vague. Celui d'avant, je l'ai. Ah, c'est moi. Créateur. Mais je veux même douter que c'est évident quand t'as la carte. Créateur. C'est bon. J'ai pas dit mon créateur. Attends. J'ai le droit qu'à un mot, mais... Qu'à un seul mot. Mais t'as le droit de passer si tu y arrives pas. D'accord, je vais essayer. J'ai dit tomate, t'as envie de trouver, toi. 2, 3, Quichotte. Comment il s'appelle? Dussolier, André. Non, merde. T'as donné une. Fais la suivante. Passe, t'as donné une. BD. Brissière. Attends, c'est laquelle des deux là? Ouais, ouais, c'est un peu facile de donner deux réponses. Il a dit en premier. Chouchou. Je connais pas. Je connais pas. Vieille. Jeanne Calment. Porno. Marc Dorcel. BD. Brissière, machin. Ah bah oui, j'entends Brissière. Depardieu. Non, top, c'est fini. Ah, pardon, c'était pas ça, mais c'est pas grave. De toute façon, je la passe du coup. C'est à toi. 1, 2, toujours. 3. Humoriste. Je me rappelle plus. Dieu. Passe. Gladiator. Gladiator. Putain, je me rappelle plus de son nom. Il y a Oasis aussi. Christian. Non. Oui. Ouh. Non, il manque le prénom. Gladiator. Non, Jurassic. Christian, Michael Christian. D'accord. Pierre Dac. Je sais pas si j'ai quoi. RTL. RTL Bouvard. C'est quoi le prénom? C'est Philippe Bouvard. Faut les deux. Philippe Bouvard. Mais c'est bon, c'est fini. Passe si tu sais pas. Top. La belle imitation du Raptor. C'était ça. T'inquiète pas, c'est les mimes autour suivant. Les mimes, ça va être drôle. Elle nous faisait à la fenêtre quand elle était énervée par un truc. Elle secouait tellement vite les babines que. Nemo, t'es prêt? Oui, pardon. Gigantesque. Livre. Henri Flammarion. Ok. Chanteur. Il passe. Attends, Yves Duteil. 24. Jack Bauer. T'as valé, ouais. Avenger. C'est plus là. Captain Fragas. Hmm. Avenger, c'est plus là. Ouais. Chanteur. Yves Duteil. Cycliste. Lance Armstrong. C'est ça que j'ai envie de faire. Parfum. Pas espace. Dior. Christian Dior. Ah, oui. Préservatif. Truman Capote. Chanteur. Thomas, Yves Duteil. Laisse finir, c'est bon là-haut. Putain, vous êtes bon, hein. Connard. Ouais, je sais. Bah, dis, ça va vous vérifier. Ouais, on est bon. Moi, surtout, je suis bonne. Ouais, t'es bonne. Je fais ma allez, ça va être t'es bon. Bonne, t'es sûr. Allez, 10. 3. Vercors. Bâche. Alain Bachon. Ouais, je sais pas qui c'est. Je dépêche. Pas. Mode. Allez. James. Cameron. Cameron Diaz. Voilà. Production. Production, Marc Dorcel. Non. C'est déjà passé. Enfant. Enfant, Marc Dorcel. Bedos. Bedos. Top. Ah, c'est bon, on l'a dit. Bedos, on l'a dit. Ah, je suis désolé. Mais t'as pas dit le nom complet. Bedos, ça va. Ça va, on va pas non plus. Non. Celui-là, du coup, il retourne fait derrière. Fais l'arrière, pas votre pute. Non, il est pas accepté. Okay, il retourne bon, derrière. Et Marquise des Anges. Ouais, mais c'est bon. Angélique. Marquise des Anges, on le sait. Ça, ça vous pose pas de problème. Il a dit Angélique. Mais moi, voilà votre Scrabble. Il a dit Angélique et on est plus sûr à l'avoir entendu. Même en face dans votre équipe, alors arrêtez. Ouais, mais tout le monde sait que pas. Alors que lui, il a dit Mondours. Ouais, j'ai dit Mondours, c'est là, c'est bon, il manque lui. Et mon équipe. C'est bon, 1, 2, 3. Gladiator. Russell Crowe. Ouais, Russell Crowe, ouais. On est baisé. Je passe. Brésil. Terry Williams. Williams. Thierry Williams, allez hop! Thierry Williams! Un. Allez! Attila! On a rien à foutre! Abila! Nabilas! Renard! Je l'apprends! Ah mais oui, je l'ai! Bécassine! C'est ma cousine! Chantal Goya! Ah putain! Reviens, mais Fox! Renard! Samantha Fox! Bedos. Top. C'est bon. Ramonos. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est dommage. 1, 2, 3. M. C'est dit. Mathieu, c'est du Chidid. Louis, c'est Bedos. Ouais, c'est bon. Allez, c'est fini. C'est fini. Vas-y, continue. 1, 2, 3, 4, 5. 139. Ah, pardon. J'ai 39. 10. Uniquement. 13, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 un autre. Ce qui est bizarre, c'est que ça vient tous de moi. On avait oui. Non, non, mais avant, on comptait les manches. Attends, il reste les mimes. Oui, il reste les mimes. Alors, par contre, avant les mimes, voilà. Tu enfin, avait... Quand est-ce que tu as gagné? Ça va être dur, hein. Des fois, dans la vie, je gagne. Avec Fabien? Non, non. Ça te fait tellement. Ça te fait tellement. On a gagné, ça va être dur. Anna Musical, Loli Flag, paf, Loli et Flag. Et voilà. 69 en plus. J'ai dit à Lyon. On avait un 69 avec Loli. Attendez, je vais faire pipi. Ah bah non, non, non. Allez, ça, c'est facile. Après, on répète ses cartes, on prépare ses lignes. Reste à Lyon. Reste à Lyon. Reste à Lyon, mais ça tombe bien. Non, mais on avait gagné avec, avec Fabien. On en est à combien au rhum là? Est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il faut non, reprendre demain? Non, mais il y a plus de temps. Ah merde, faut prendre de la bande demain. Ça va, c'est pas le truc. Ça, c'est avant que j'existe. Putain, c'est 1878. À l'époque, le jeu s'appelait Jumanji. Il s'appelait pas Tag Jump, il s'appelait Temps rapide. Temps haut. Temps haut. Aux éditions Cubertail. Temps haut. Il y a un chargeur de libre? Non, surtout pas pour ta gueule. Toi? Il me semble pas qu'on soit dans la même équipe, mon connard. Je vais ronfler à côté de toi. Mais je m'en fous. Pas seulement si je tombe dans la caravane à côté de toi, tu vois. Ah, il y en a un là, là. Donne-lui un là. Il doit être chargé. Il doit être oui, dans cette caravane. Tiens, vas-y. Prends-le. C'est pas putain, merde. Vas-y, mais prends. Allez, mais prends-le, bordel. Allez, mais on te tue. Non, mais c'est. Avec bien. Avec pas de câble violet. Non, mais c'est bien. C'est bien. Jean-Pierre Goldman. Jean-Pierre. On peut dire n'importe quoi de toute façon, c'est le portrait de Jean-Jacques Foucault. Bonjour. En même temps, je veux pas dire. Michel Hanouna. Mais Jean-Pierre Goldman, il sera sûrement moins pire que le vrai. Putain, on était dans quelle équipe? Jean-Jacques Delors, hein? Foucault. Non, mais c'est vrai, quoi. Michael Sardou. Allons-y. Allez. Et Michel Vendetta. Michael Sardou. Mario Demetar. Mario Demetar. Mario Marichal. Mario Sardou. Mario Marichal de Pain de Metar. Une information capitale à vous transmettre qui donne capitale, Emmanuel Chat. Qui donne un bon résumé du week-end, c'est-à-dire que toute l'eau que j'ai absorbée du week-end était contenue soit dans du café, soit dans du mojito. T'as pas vu le jour. C'est-à-dire, c'est soit sorti marron, soit sorti avec du citron. Soit sorti jaune, soit sorti marron. Mais voilà. Et là, on est jaune en hommage à nos chers serveurs. Alors maintenant, nous allons devoir mimer. C'est les mêmes règles que la deuxième manche. Oui, mais qu'on doit en plus avoir l'air con. Un mime, et de la part de l'équipe qui doit deviner, une seule possibilité de réponse. Par contre, la possibilité de passer autant que tu veux. Ah putain, les mimes, c'est chaud. C'est à qui? C'est qui a fini? C'est toi qui a fini. Les mimes, c'est chaud, ça dépend. C'est toujours moi qui finis, en fait. C'est à moi. Donc c'est à moi. Les mimes, c'est chaud. Moi j'ai hâte de voir les mots faire Angélise. La fameuse Angélise. Et le fameux Dumbledore. Alors c'était c'est à moi. C'est sûr. Hein. Henry Potter. Je vais repasser, j'espère. Alors, on recommande de prendre un peu d'espace quand on veut mimer. On fait ce qu'on veut. Voilà. Faites ce que vous voulez, mais moi j'aime bien prendre un peu d'espace. Mais vas-y. Par là-bas. C'est un instinct. T'as juste pas envie. C'est l'habitude. Ah, ça me libère les muscles. C'est l'autre soir dans le train, l'autre jour dans le train, j'avais mal au bras, je faisais comme ça. Oh, c'était bon ? J'ai pas toute la vie. Mais ça, ça peut être intéressant à certains moments. Mais ah, là, non. Mais en public, dans la cuisine, merde. Encore quand c'était une cuisine fermée. Ok, c'est à qui ? Depuis le bout. Je te rappelle qu'on a pété les cloisons quand même. Bon ? T'as pété ? Non. Bon, bah, t'as... Bon, vas-y, tu vas mimer un peu. Tu mimes, bah, j'attends le chrono. 1, 2, 3. Raymond DeVos. Ouais. Mais tout. C'est naturel. Putain, mais. Chat. Alors, vas-y. Marc Bisous. Dorcel. Bonne réponse. Bisous. Jeanne Calment. Waouh, putain, mais il est gros. André Dussolier. C'est fini là, c'est bon, top, terminé. C'est à vous de vérifier. C'était fini avant Dussolier. On l'a eu. Il a dit André Dussolier. Pourquoi vous me laissez commencer? C'était dans l'ordre. Mais passe. Et tu peux pas passer. Et tu peux pas passer. Si, tu peux passer. Vas-y, concentre-toi, c'est ton tour. C'est mon Aïd. Vas-y. 1, 2, 3. Mathieu Génib. Allez. Nemo. Non, c'est mort. Il y a deux mots. Non, tu passes la carte. Non, t'as pas le droit. T'as dit un mot, tu passes la carte. Je sais pas, passe. C'est mort. Ah, je l'ai en plus. Je l'ai pas. Top. Je l'ai pas. Putain, si je l'ai. Ah, je crois que je l'ai. Le précédent, je l'avais aussi. C'est bon, le nouveau. Ok. Putain, quoi. Le précédent, tu sais. Qui gère le temps pour nous? Non, mais tu peux parler maintenant. Azertaf, il peut pas le faire. Attention. Top. Yves Duteil. Ok, oui, les enfants, ouais. Henri Flammarion. Mais celui-ci, il dessine. Ah, c'est l'autre. Bachung, Alain Bachung. Putain, les deux tard. On dit les enculés. Ouais. Non, arrête. Quoi? C'est fini. C'est fini. Non, c'est pas fini, t'en as encore, t'en as encore, t'en as encore. Oui, attends que je termine la phrase. Ah, mais attends, il me dit c'est fini. Vas-y, t'en as droit, allez. Oh là là. Non, c'est terminé. Je l'ai pas. Là, c'est fini. C'est Georges. Et je sais ce que c'était. Non, mais il passe à la suivante. Oui, bien sûr, toi tu sais. Regardons tout ça. Toi tu connais. T'es passé à la suivante ou pas? Attends, non. On se concerte avant. Ah. Enfin, pas à la suivante. Passe à la suivante. Non, c'est pas ça. Attends, on se concerte. Faut que tu passes à la suivante. Non, il est pas obligé. Faut que tu passes à la suivante. Si, j'ai fait. On se concerte entre nous. 1, 2, 3. Un sapin. Un sapin de Noël. Non. Si, t'as le droit. T'as le droit de onomatopée. À la Bachung. Ah, j'ai déjà tombé. J'ai en vert. J'ai en vert. Il y a dedans. Il bite. Passe. T'as le droit qu'il y a une réponse. Le chien. Dumbo. Radar. Dumbo. Il est bon. Top. Ah, bravo. Ah putain, tu m'as fait. Attends, ça c'est à nous ça. Mais attends, ça serait nous. Non, ça c'est nous. On fait un time-up un mercredi par mois. C'est à nous là. Oui, bah ça aussi, alors, parce que Marc Dorcel, c'est pas nous. Non, c'était nous, ça. Non, on a une, deux. Attends. Pas plus. Marc Dorcel, Raymond Devaux, oui, c'est Jeanne Calment, André Dussolier. C'est ça que j'ai fait deviner. T'as jamais partout. Un, deux, trois. Je passe. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais vas-y, passe. Ah, ben oui. Mediator. Alors, oui, non, mais non, c'est pas la bonne réponse. Change. Moi j'ai. Samantha Fox. C'est pas ça, c'est thématique. C'est thématique, bien sûr. Et c'est fini là. Ah non. Là c'est fini. C'est fini. Michael Crichton. Non. Oh putain de sa mère, la pute pédophile. Tout ça dans une même personne. Putain. Tu peux l'appeler Anna, c'est très c'est à vous ça. C'est l'anti-jeu. L'anti-jeu. Je l'ai connu au bon moment. L'anti-jeu de première classe. C'est genre, 65 kilos de plus, je te vois. Toi, tu démolis les rangs. Moi, je démolis les vertes. Vas-y, moi, je te démolis ta gueule. Vas-y, série de la Terre. C'est bon. 1, 2, 3. Allez, fais-nous la... Oh, mais mignon, merde. Je l'ai en plus. Oui, je l'ai eu. Dumbo. Trop tard. Faire deviner. Gollum. Abrel. Non, faut les deux. Oh, c'est bon, ouais. Il faut les deux. Ah, oh, c'est Benton. Bon. Delos. Non, c'était l'autre cartel, mais... Ah oui, d'accord. Oh, putain, tu avais bien fait. Trop mal capote. Top. Mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Non, lui, il a fait le truc. Comme ça. Lui, il tombe une capote comme ça. Lui, tu vois le verre de terre coupé en deux et... Ça claque. Bah, c'est vrai que ça faisait plus par Dorcel que trop mal capote, hein. Comme chien quand même. Allez, ouais. On est parti. 1, okay. 2, 3. Abel Dalton. Oui. Ah oui. Je sais pas. Dembo. Maintenant. Non, oh, putain, je l'ai en plus. Dédié. En plus, je l'ai. Alain Bachung. Non. On l'a déjà trouvé, je crois. Je sais pas. Megan Fox. Putain, non. Ah, ouais. Mais oui. Oh, mais oui. Putain. Mais tu tapes du top. Tu tapes pas du fer. Top. C'est à toi. Putain, c'est ton tour. Mais pourquoi il me regarde? C'est à nous ça? Oui. Oh, putain. Ah, attention le fil. 2, 3. Tu l'as déjà fait celle-là. Monsieur, je l'ai pas quoi. Jack Bauer. Continue. Kardec. Non, en fait, on fabrique un code. D'accord, il est excellent. Ce sera utilisé à votre... Le nourrisseur, l'autre, il a tous les DVD du monde. C'est con que j'ai pas pensé à ça pour Marc Dorcel. Pour Marc Dorcel, ça aurait été... Voilà, Marc Dorcel. Gollum. C'est Marc Dorcel. C'est pour nous qu'on joue. C'est pour nous, attendez. Christian Dior. Joli. Je l'avais pas celui-là. Samantha Fox. Non. Oh mais non. Samantha Fox. Oh. Chantal Goya. Yves Duteil. Chantal Goya. Ouais. Faudrait que tu me mens. Oh la vache. La vache, c'est quoi ça? Marc Dorcel. Non, il est déjà tombé. Ah, oh, ça fait peur, ouais. Merde. C'est pas fini déjà? Et où son truc? 3. Anal. Hey, en face de 3. Il est où le machin? Je suis en vie. C'est bon, c'est fini là. Dop. En face de 3, c'était bien. Putain, l'en face de 3. T'as sûr, Azartov. Putain. Ah ouais, t'as sûr. Mais non, Ça va bien? T'as bien? C'est le coup. C'est rapide, hein. Ah, En fait, c'est pas un micro qu'il nous faut pendant cette manche, c'est une caméra. C'est la version vidéo. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui écoute, c'est un jour. Désolé. Courage, ça sera c'est... sur les projets, donc oui. C'est hard. Un, je connais pas la moitié. Deux, mais trois, top. Vas-y. Ah. Bah non, bien d'accord. Non, tu parles sérieux. Ah. Mais ouais, Angé, je... marquise des anges. Un point. Boum. Gladiator. Non. Merde. Ah, je l'ai. Parce que personne ne sait. Reviens dessus. Non. Je connais pas les noms des autres. Vas-y, reviens. Russell Crowe. Non. Russell Crowe. Je connais pas tes noms. T'as plus que ma carte. Oh putain, je sais lequel il fait. C'était pas ça. Ah, c'est bon. J'ai plus que ça. Putain. Deux. Non mais trois. Bien, c'est déjà bien. Gladiator. Non mais non, c'est pas Gladiator. Non, c'est pas Gladiator. Russell Crowe. Captain Fracasse. Elle est dangereuse. C'était ça, Captain Fracasse. Bah oui. Mais oui. Tellement. Russell Crowe. Maria, Cameron Diaz. Oh putain, ah, c'est ça, comment le faire deviner. D'accord. Et donc Russell Crowe. Après Dalton. Non. Il n'y a plus. Johnny Pigeon. Oui, bah voilà. C'est bon, tape ma gueule. Ou... C'est fini. C'est pas ça. Ah, c'est bon, c'est fini. Attila, c'est fini. La planète des singes. C'est fini. Attila. Moi je l'ai celui-là. Ah oui, je l'ai. C'est bon. Tu l'as, c'est bon. Quoi je peux pas dire. Tu vas me dire, c'est pas comment ça. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a ? Trop tard, vas-y. Ah oui, mais oui. Russell Crowe. Russell Crowe. Non, c'était pour lancer une carte. Allez, vas-y, vas-y. J'ai dit à Killer en plus, hein, donc. Je l'aurais pas. Je sais pas, je sais. J'ai aucune okay. idée. Attends. Terry Gilliam. Ok, bon, allez pour nous. Bah oui, mais c'est X-Files. Non, c'est pour nous. Forcément. Non, comme Gillian Anderson. Samantha Gillian Anderson. Ah, c'est pour ça depuis le début, putain, sa mère. Terry Gilliam, Gillian Anderson. Gilliam. Bon, moi j'aurais pensé Samantha Fox, tu vois, le goût. Comptez vos cartes. J'en ai 0, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On est un menteur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est notre total. 16, 12. Sur un ballon pour 12. On a 16. Nous avons 12. Non, 17. Ah putain, les saloperies de menteurs, on a gagné dans vos gueules, on est meilleur que vous. Mais oui. Là, les copains, là. Mais tout ce qu'il y a comme cartes. Ils sont des bises. Mais allez, on fait les deux. Par contre, qu'est-ce qu'on a beaucoup plus rigolé que vous. Non, mais je suis plus inventif. Plus inventif. C'est 18 et 9, 27. 27 et. Demande à Mathilde. Réveille-la pour lui faire faire le calcul. 31. Donc ça fait 17. Ça fait 7 de 37. Mais c'est pas grave. Vous avez 10 points dans la gueule, vous avez 10 points dans la points, gueule. 10 points, c'est rien. Non, 47. Ouais, en même temps, c'est pas comme si vous aviez triché, hein. Marquise des Anges, l'Angélise et Nabila, bien sûr. Russell Crowe. Ça, c'est vos cartes. Non. Truman Latex. Truman Latex. Ouais, non, on s'en fait une autre, c'est drôle ça. J'aime bien, mais il n'y a pas cette carte. Oui, mais c'est parce qu'il faut enlever deux en fait. Non, mais maintenant on fait les bleus. Oui, mais non, on peut faire les bleus. On peut faire les bleus. Est-ce qu'on change d'équipe? Non. Non, oui. Non, je trouve que la symbiose est partie. Est-ce que on peut plus ça? Vas-y, on va gagner. Mais parce qu'ils se regardent, mais genre c'est. Que tu te regardes, c'est bien, genre c'est écrit dans le fond des. Qu'est-ce que tu veux? On a de la culture, toi t'es une merde. Moi j'aime bien le mime. Là! On change d'équipe quand même, c'est-à-dire que je me mets avec vous deux. Oh oui. Oh putain, on est dans la merde. Oui. Ah oui, les débutants vous voient les glands. Ah oh oui. Et donc ça David, fait. C'est limite écrit dans le fond de ses yeux là. Ça fait deuxième manche. Ça fait David, Randall, Anna. Ah non, et l'autre équipe, c'est l'équipe d'art. Nemo, Azertov. Avec ça, on peut que gagner. Le dard, vous allez alors, par contre, celle-là, on les dégage. Eux, c'est on Noah. On va pas les reprendre. On a plus d'expérience. Le dard. Le dard contre Noah. On va prendre d'autres cartes. On va complètement changer et on prend du bleu. Le dard va prendre la Noah. Mais on change carrément de. Il est noir. Alors, bon. Il faut vraiment prendre 40 cartes et après, je vais en sélectionner. Je vous recommande. Est-ce que le dard gagne sur les noix? David, je te recommande vraiment d'observer tes cartes. Oui, mais comme toujours. C'est important de bien observer tes cartes pour te rappeler. Pour se rappeler de ce qui peut tomber. Et on prend du bleu. Ça fait deux fois que tu me le dis. J'ai l'impression que tu me prends pour un mec un peu bourré. Bien sûr. Un mec un peu. Attends, t'arrives à faire ça? Juste un peu con. Oui, d'accord. Moi, je suis pas bourré. Hein, David, t'arrives à faire ça? Tu tapes sur ta tête et tu frottes ton ventre en même temps. Ah. Et maintenant, tu changes de main? Te v'la bien baiser. Il y a eu et maintenant, tu Et maintenant, tu sautes à deux pieds. Et maintenant, Dick Clem Sims. Je lui ai dit Clem Sims, mais rigolez pas. Appelez des dyslexiques. Dyslexiques, c'était pas une bonne idée. Mais pas un dyslexique sur les cyclistes. Dick Clem. Non, mais appeler des dyslexiques, c'est vraiment se foutre de leur gueule. C'est comme si on appelait les mecs qui savent pas compter les 4 plus 1, 3 fois 2. Égale 12. Le roi 4 et 4 et 8, la vie française de tachycardie. Les bugles. C'est vrai qu'en même temps, c'est la même chose pour les tachycardies. C'est un peu long à dire quand t'as une tachycardie. Excusez-moi, j'ai une tachycardie. Les meurtres. Les mecs qui ont peur des canards, les coins-coins. Les coins-coins. Ah non. Les canards. Ah non. Non, je suis pas un coin-coin. Je suis pas un coin. Les colverts. Les mecs qui ont peur des canards, on les appelle les colverts. Les colverts. Salaud. Où ça? Alors là, c'est les bleus, David. Hein. Oui, j'ai... David, il faut bien que tu retiennes ce qu'il y a dessus. Ça peut servir. Oui, tu retiens? Et tu retiens bien le reste. Putain, mais c'est pas possible. Et on est sur du bleu. Ça s'en va. C'est chaud. Ah oh, putain, j'ai que des bons, quoi. Allez, hop, c'est bon. Ah si, quand même. Ah si, quand même. Ok. Tout est trouvable dans ce que j'ai. Pareil. Vous en avez plus, surtout. Moi j'en ai moins, mais parce que. Si vous voulez. Parce que t'es feignasse. La poubelle, elle est là. Attends. Putain, mais j'ai que des bons, quoi. C'est chaud. Ah, vas-y. Ok. Attends. Et on peut pas les séparer, vous deux? Attendez, séparer. J'envoie un MMS. Il y a un émo entre les deux, je sais pas ce qu'il faut. Non, mais là, c'est normal. C'est quand même aussi ça. C'est quand même. C'est pas barrière. Tu vois. Tu veux dire, il faut le franchir. Mais le pire, c'est qu'il va réussir à gagner avec un blanc, tu sais, en trichant. Ben non, on n'a pas triché. Non, c'est encore. Les cartes qu'on garde, elles sont là. Par contre, Angélise, Marquise des gens, ça passe toujours ou pas? Des gens? Non. Marquise non, des gens. Marquise des gens. Les cartes que. Enjoliveur, Marquise des gens. Enjoliveur, Marquise des gens. Vas-y, j'ai changé de bas de caisse. Ça, on va faire un tweet tout de suite. Il y a une sacrée saga là-dessus. Hein. Voiture. C'est des voitures. Je vais le tuper. Hein. Oh, c'est ça que tu veux. C'est pas bien. T'en jettes deux. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Tu peux faire celles que t'as gardées sont là. J'ai la connerie. Ouais, c'est celle-là. Ça, c'est ce que tu gardes. Oui, c'est ça. Toujours c'est ce que je garde. On est 6. C'est bon. 6 moins 12. C'est celui qui a 40 moins 12. 40 moins 12, 28. Toi, t'es qu'un lâcheur là-bas. On va te mettre une marave. Tu vas sentir le dard passer. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Je veux pas. Vas-y. 13, 14. Il est bon pourtant. Non, il est pas bon. Alors, vas-y, ça la fraise. La preuve, il a quitté le meilleur groupe. 19. Un groupe de losers. Oh, le groupe. Non, on a rien fait contre toi, mais. Non, mais dans le regard, c'est. On est quel jour lundi? Dans le regard. Non, dans le regard, c'est. On est. Ça dépend de l'heure. Il est alors que. On a des liens particuliers depuis 5 jours. Il y a plus que deux qui comptent. C'est pour ça que je viens un peu mettre mon. On peut pas te blairer. Faut le dire à un bon moment. C'est bien, la preuve. Qui c'est qui a terminé? Qui a gagné, c'est toi? C'est nous, qui avons donc gagné. Donc c'est David qui commence. Tu peux tout faire deviner. Je peux commencer, j'ai fait caca en dernier. Passer. Sans les jaunes. T'as pas le droit de passer. Tu n'as pas le droit de passer. Prêt, parti. Voilà, j'ai douté. Let's go. Top. C'est un nain avec qui a fait. Enfin, il a joué aussi dans Star Wars. Willow. Un. C'est un animal qui crache beaucoup. Le lama. Il y a le dragon. Serge Lama. Serge Lama. Ah merde. Ça n'a pas grand chose à voir en fait. Putain, Barracuda. Barracuda, l'agence. Mister T. Putain, mais c'est qui ces gens? L'auberge espagnole. Romain Duris. Non. Réalisateur. Clapiche. Top. Ouais. Bah si. Ah ouais, accepté. Ah bah oui, on va l'accepter un peu. Marquise G. On l'a accepté, Angélique. Angélique, je sais pas comment marquer ces jantes là. Mais quoi, c'était presque ça, c'était bon beau, tu vois. Angélique, Marquise G. Des beaux petits automobiles. Voilà, c'est ça. Prêt, c'est ouais. Parti. Film X, mec, grosse bite. C'est moi. Le sketch Mon cul. C'est du poulet. Oh putain, je sais pas comment il s'appelle. KFC, mon cul. KFC, c'est du poulet. Sur les Spalès. Non, mon cul, un seul mec. Giga. Non, un vieux mec. Un vieux mec, hein. Il fait des escaliers. Non, il est toujours vivant. Ouais, mais c'est non composé. Félicitations. Non, mais sérieusement, j'entends rien avec eux deux. Non composé. Sketch mon cul. Non, mais je le connais pas, ce mec. Oh, mais c'est très connu, putain. Non, mais je connais pas son nom, c'est tout. Bon, ça me revient pas. Non, sa gueule en plus. Par contre, si on peut arrêter de causer, c'est histoire qu'on entende quelque chose. Ah, voilà, la liberté d'expression. C'est un mec de gauche qui nous dit ça. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai dit? Ton dos. Ouais, en bas de mon dos. Ton cul. Ouais, non, en poli. En poli. Comment on dit mon cul en poli? Ah, d'accord. C'est quoi le même nom en poli? Qu'est-ce que je range dans ma culotte à l'arrière de mon dos? Derrière. Non, ouais, comment on dit sinon? Non, c'était très bon en fait. C'est presque ton prénom, mais ça. Yves Dutheil. Continue. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Si tu changes de groupe pour le faire perdre, faut rire. On s'en sortait mieux avec le boulet. C'est presque ton prénom. Et ça vous passe, c'est presque ton prénom. J'ai ton prénom dans ma culotte, dis donc. Mais je me suis gravé. C'est l'anus qui fait le alors. C'est les vergetures qui font le qui fait le levier, si le levier, c'est la fesse. Je viens de faire, tu l'as de toute façon. Prêt, parti. J'enlève la fesse. Oui. Mais le mot cul, mais quel rapport? Alors c'est Yves. Oh putain, d'accord. Tellement. Il a le même nom de famille qu'un chanteur qui est aveugle, qui a des lunettes. C'est pas le chanteur. Gilbert Patrick. Non. Il a un prénom en trois lettres. Gilbert Patrick, voilà. C'est un prénom de famille. Canular téléphonique, c'était pas plus simple pour Montagnier. Mais ouais, mais tellement. Guy Montagnier, voilà. C'est qui ce mec? C'est un acteur. Je sais pas qui c'est. Asbin, je sais pas. Comment on peut dire d'un appeler un chat de manière un cat fini? Non. C'est fini. Je sais pas qui c'est donc. Putain, je vois dans ton regard qu'on va en chier pour trouver la raison. Bon, ça va aller. 1, 3, 2, 3. Un nez musclé. Un chat. Ah putain! Mais non! Un chat? Un nez musclé, nez musclé. Bernard Minet. Putain, c'était ma carte de lune de. Comment? Le livre de. Le livre de fleurs. Un tournesol. Professeur Tournesol. Une actrice de film de cul. Italienne. Ah, la Ticciolina. C'est presque mon prénom. Yves. C'est un chanteur. C'est un chanteur belge, on essayera bien. Parce que c'est pas ça du tout. On s'en fout. Alors, si c'est la carte que j'ai eue. Rodinévière, c'est un 10. Top. 1, 2, 3. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Yann Tiersen. Aéro de BD avec une immense mèche blonde. Quoi? Titeuf. Voilà. Je sais pas qui c'est. Alors c'est quoi de neuf? Docteur. Bugs Bunny. Docteur Petitot. Voilà. Ah, bah, c'est une carte. Du classique. Un chanteur. Ah, André Rieu. Voilà. Oh, putain. Oh là là, non mais ça. Connais Et quand je fais, c'est un. C'est un peu. Voilà. S'il y en a pas, c'est du vent. Non. Du gaz. Non, ça je ne. J'ai même mon s'étonne quand il l'a écrit. Un vent. Non, ouais, top. C'est fini. C'était c'est dégueulasse. Dis donc, tu connais des trucs où il y a pas des petits mots dans les mots. Attends. Connais des trucs avec où il y a pas de dessin avec des gros yeux. David, un prout et qu'il y en a pas. David, David, il a fait un prout, ouais. David, 1, 2, 3. C'est un dessinateur. Un dessinateur. Il a fait quoi? Je pourrais pas dire. Allez, c'est bon. Non, tu peux pas passer. Tu peux pas passer. C'est un dessinateur. Ah, Manara. Pas de prout. Pas de prout, voilà. Prout, gaz. Non, pas prout. Constipation. Plastique. Plastique. Sans paix. Ah putain, putain. Non, tu peux pas passer. Tu peux pas passer. Tu peux pas passer. Il m'a donné la réponse. Non, il faut le prénom. Mais il a dit quoi? Jean. Top, c'est fini. Non. C'est très bon, mais si, sans paix, si c'est pas entre parenthèses. C'est très bon le sans paix, mais j'ai pas trouvé de plus. Les grinots. Allez, top. Jean-Jacques sans paix. Oui. Sans paix. Merde, putain, sur M6, dans la prairie. La maison. Carré de Marchand. Carré de Marchand. Le mec. Hein ma, dans la petite prairie, oh, le mec, le ah, père. Tellement, t'as raison. Je l'ai. Alors c'est le père de la famille. C'est la veille cette carte. Ah, alors il a une voiture jaune. Oui, oui. Alors c'est un boxeur qui prend tout le temps des noms. Mike Tyson. Putain, mais c'est pas possible. Amélie Poulain. Audrey Todou. C'est un président. Alors c'est comme la lessive et c'est un président Ariel. Juif. Et ça n'existe pas, ça. Comme les cités juifs. Alors, Bénure, il conduit quoi? Top. Putain. Oh, le suspense. Il pensait pour Mathilde qui essaie de dormir à côté. On s'en fout, elle dort. Alors, ou pas. C'est le chien qui vient de se faire chasser. Mais je pense qu'il y avait comme un sous-message. Si on allait jouer dans le studio, dans la caravane. Ça me semble être assez clair. Donc c'est un jeu magnifique. Elle a dit qu'elle préférait qu'on joue pas aux jeux vidéo. Merde, je sais plus comment le faire. Mais je crois qu'on a raté peut-être mon brio, je suis dit. Allez, c'est parti. Je sais pas qui c'est. Le prénom de la petite sirène. Ariel. Oui. 12 balles. Ariel Sharon. Mais regarde pas, on joue plus ensemble. T'as choisi. Regarde, l'autre, il me donne les indices. C'est en fait, celui qui parle de un chanteur. Son nom est donné sur beaucoup de salles de concerts. Ah ouais, c'est con. Kelvin. T'aurais joué avec nous, on aurait trouvé. Ah, je sais rien. Facile. Comment un pic, on peut aussi dire que c'est une montagne. Un mont. Non. Un sommet. Michel Amon. Michel Amon. Là, j'ai trouvé Ariel Sharon. Genre, j'ai fait. Tu fais une. Une chaîne. T'as pas le droit de mimer. Putain, fini. Top. Il est nu, ouais. Ah là là, mais oui, mais on vous l'a laissé de bon cœur. Un. Attends, c'est deux. Trois. D'accord, c'est pas un pic, mais pas loin. Bobby la tu l'avais dit. Voilà. Ah, attends, top. Le rapport. Hein, Bobby le la pointe. Hey, mais alors le top, c'est bien moi. Non, mais vas-y, continue. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est celui qui est dans la vigie, dans Pan. Le père Fouras. Merci. Le mec qui fait croire qu'il est dans pas une boîte. T'as pas de le père qui fait... Le mec qui fait croire dans une boîte, il parle pas, il fait des trucs. Ah, c'est. Comment il s'appelle? C'est un magicien. Comme Sophie. Marceau, le mime Marceau. Ah, mais. Noël en Espagne. Top. Allez, on va mettre 30 secondes avec vos collègues. Non, mais. Évidemment que tu l'as. Noël en Espagne. 1, 2, 3. C'est un mec qui prédit le futur, enfin, il essaye du moins. Noël en Espagne, je sais pas ce que c'est. Mais... Mais non, mais regarde pas. Donne d'autres trucs. Bah, je sais pas, c'est un prédicteur de merde. C'est moi qui jouera. T'as pas le droit de regarder là-bas. Non, mais le mec, il fait des prédictions, on dit tout ce que je peux te dire. Et tu te dis, bah, c'est un truc qu'on dirait sorti du cul de. Mais non, mais c'est d'une vache. Non, mais c'est un vrai mec. Faut parler de. Mais tellement. Je sais pas quoi te dire, moi. Bah, fais deviner, fais. Fais un rébus. Il a pas fait de prédire le futur. Fais un rébus. Un vrai métier. Ah, Nostradamus. Non, voilà, par exemple. Je sais pas qui bon, on va arrêter peut-être. Top. Bon, mais c'est pas compliqué. 1, 2, 3. Paco Rabanne. Ça s'est mis en fait. Paco Rabanne quoi. Non, en Espagne. Pour moi, c'est du parfum. Croft. Mais... Lara. Catherine Lara. Bien, putain. Oh. C'est autorisé. Oh, c'est 3PO. C'est 3PO. R2D2. Ouh. Le journal de Anne Frank. Non. Adaptation. Adaptation. C'est pourri. Qui a l'air de venir, hein. Il est en rouge, c'est un gros. C'est un gros Spirou. Spirou. Top. J'ai failli dire. Toi, il y en a qu'une. Noël en Espagne, Paco Rabanne. Je veux pas un peu. Non, non, la station Mir. C'est du parfum. Il y a des gens qui ont lancé du Mir. Et oui, c'est vrai qu'il a fait des Mir. C'est quoi ça? C'est aujourd'hui, il y a des gens qui ont lancé du Mir vaisselle sur ça. Les gens genre. Oh, Mir tombe. Vraiment. Non, mais attends, Noël en Espagne, c'est pourquoi? C'est un sketch de des proches qui disait Noël en Espagne, Paco Rabanne. Noël au scanner, Paco Rabanne. Oui, il a dit aussi Noël en Espagne, Paco Rabanne. Mais moi, je me rappelle. Ah putain, comment faire ça? De toute façon, on a perdu. C'est un peu chaud. Allez, bref, ouais, dessin animé, Walt Disney, Blanche Neige, Sirène, Cendrillon, non, c'est un là, truc pas trop connu. La Belle et le Clochard. Billy qui fait des claquettes et qui veut faire du box. Hein? Avec un animal bien, imaginaire. Ça va lui faire un point. Oh, putain, je l'ai. De quoi putain, tu parles? Mais ils ont pas de culture. Mais ouais, putain, bande de gants. Tu connais pas Paco Rabanne? Bah non, bah tu connais pas ça. Voilà. Ça, il y a du Rikiki. Ouais. Ouais. Il y a des claquettes. C'est machin, le. Berlin chanteur. Alors machin, le. Tu les aides pas beaucoup, hein. Mais c'est quoi ça? Top, top, top. Allez, c'est parti. Elliot le dragon. Elliot le dragon. Mais c'est qui? C'est quoi ce truc? Elliot le dragon. Putain, Billy Elliot quoi. Tu vas me donner pas. Bande de gland. Mais Billy Elliot, c'est quoi? Elliot le dragon, Billy Elliot. On a pas compté les points, donc bravo. C'est Elliot, c'est le petit gars. C'est pour ça que je récupère nos cartes. Ah oui, mais. Non, mais. On n'a pas les points. On a mélangé les cartes. Non. 7, 8, 9. Donc ça fait 9-19. Et on peut arrêter, de toute façon, on a perdu. Bah pourquoi? C'est la première manche. Ah, alors il y a quelqu'un qui a éliminé une carte en moins, mais c'est pas grave, on va faire avec. Du coup, on a 29 ou 19. Attends, je recompte quand même. Bah non, t'as compté 28 tout à l'heure. Oui. C'est 19 et 9 du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 7, 8, 19, 9. 19, 19, 19. Putain, le mec il s'est pas compté quoi. C'était 27. 27, 27. Le mec il sait pas qui sait pas jouer. Allez, donc là c'est un mot. C'est un mot, une réponse. Ça, c'est un oasis. Ah, on va rigoler. Putain. Lâcheur. Pute. N'empêche, si vous gagnez avec moi, bon, on va être tranquille. Je vais aller gros, pas te lâcher. Bleu. Oh oui. Il est bleu. C'est enregistré, c'est cool. Aveugle. Guy Montagnier. Oui. Okay, il est aveugle. Il est pas aveugle, Guy Montagnier. C'est Gilbert Montagnier. Jean-Yves Lafesse. Oui. Gilbert, bordel. Porno. Rocco Siffredi. Oh oui. Tu vois, ça je connais. Miaou. Refais le 4, allez, on s'en fout. Non. Refais-le, que je rigole. Milou. On le sent. Ça tourne au sol. Bah oui. Amélie Poulain. Audrey Toutou. Non, c'est l'autre. Qui a le tire-sel. C'est fini. Hein. Bien. Donc le prochain. Ah bah non, parce qu'il est passé dessous déjà. Non, mais ça serait Audrey Toutou. Voilà, c'est ça. Peut-être pas, j'ai mélangé. Non. J'ai mélangé. Bah et alors, ouais, il est au fond de la pile, il sera forcément de tout. J'ai mélangé. 3. Barracuda. Mais sorti. Prairie. Charlie Gage. Flatulence. Sans Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est dire. Énigme. Le Père Fouras. Je l'ai pas celui-là. Disney. Le journal. Journal. Top. Pierrot. Top, tu l'as bien. Non, non, non, c'est bon, pas non plus. Oui, mais tu me mets en dessous. Bah. Non, il n'a pas été deliné, il reste dessus. Non, il reste dessous, alors ça, on ta gueule. Vous l'avez fait tout à l'heure, juste après. Oui, il passe après, il passe en dessous. Tout juste avant, il l'a passé en bas. 2, 3, piano. David Tiersen. Non. Je sais pas qui c'est. Amélie Poulain. Audrey Toutou. Voilà. Star Wars. C'est en PO? Non. R2D. Ah putain, merde, c'était l'autre. Israélien. Putain, Ariel. Ariel Sharon. Sharon, mais oui. Vas-y, passe. Vas-y, Sharon, mais bien sûr. C'était le. Catherine Lara. Voilà. BD. Spirou. Spirou. Non. Non. Top. C'est tellement. Attends, je vais on est Charoune. Trop mal. Sharon Tazième. Mais t'as. Un, deux, trois. Le pic. Bobby Lapointe. Ouais. Normalement qu'un seul mot. Hein. Bah, allez, continue. C'était un nom de famille. Box. Mac Tyson. Violon. Catherine Lara. Non. Non. Putain, ah, je le savais. Mais c'est ta faute aussi. Faut que tu passes. Je passe. Chanson. Passe. Ah putain, c'est un jeu en plus. Animal. Crossing. Non. Non, mais le passe. Non, continue. Stop. Mais non, je peux pas m'arrêter sur ça. Ah, c'est pas non, si. C'est dégueulasse. C'est nous là, hein. Non, vous êtes là, hein. Il faut qu'on remette dans le même tas. Tiens, mets ça dans le même tas. Donne-moi. Il y a un autre. Donne-moi le joker. Il est là-bas. 3, équipe opposée, concentrez-vous. C'est parti. Poulain. Yann Tiersen. Connard. Actrice. Catherine Lara. Disney. Elliot le Dragon. Je le ferai. Magazine. On se met d'accord. Jean Spirou. Je le ferai. Juste comme ça, ça me suffit. Comme ça, il peut pas dire que tu es chiant. mouchoir. Non, c'est pas ça. Cédric Lapiche. Ça, c'est tous. Bien joué. Je sais pas. R2D2. R2D2. Je veux ça. Ah. Je sais pas. Non, c'est pas R2D2. Tant pis. C3PO. R2D2. Tu donnes la réponse qui vient, c'est aussi. Non, mais c'est le prix d'un. Et oh, tu le repasses pas dessous. Tu le repasses pas dessous. De quoi? Non, c'est celui d'avant. C'est celui d'avant. Oui, celui que tu viens de faire. Non. Celui que je viens de faire, je vais te casser la gueule. J'ai rien dit. Renaud Carte, ouais. Si t'étais pas à ma hauteur, là maintenant. S'il avait pas ses deux amis Black et qu'il était pas de mettre. 2, 3. Je passe. Je passe. Non. On a gagné déjà. Mais... Oui, oui. Non. Violon. Yann Tiersen. Je passe. Pac. Pac Oraman. Non. Si, ça passe, ça passe. Non, ça passe pas. Si, c'est contenu. C'est contenu dedans. Charles Station. Bernard Minet. Top, c'est fini. Top, c'est fini. C'est fini. Et Pac, non, ça non, passe. Non, c'est, non, t'as c'est, pas le droit de dire un mot qui est dedans. C'est à l'époque de Pac, il avait dit que c'est ça se tombait. C'est pas la même étymologie. Oui, mais non, oui, mais dis-le. C'est à l'époque de Pac qu'il avait dit que ça tomberait. Alors, ça colle. Non, mais bien sûr. Non, ça colle pas. Nous faisons appel à Castor Lai. Castor Lai. Castor Lai. Castor Lai. Moi, je veux la règle. Mais sinon, c'est simple. Tu dis là, et voilà, t'as... Et là, tu dis quoi avec là? T'es gentil, toi. Avec là, tu dis sol par exemple. Sol, moi, je dis Lara Croft. Très consanguin. Je dis Lara Croft. Oui, bien sûr. Non, ça passe, arrêtez, Pac. Non, forcément, mais Pac, on va pas les clipper assez. Prononcer plus d'un mot, prononcer des parties ou des diminutifs des noms, voilà, extrêmement ça... indiqués. C'est pas vrai, c'est une partie, c'est une partie du nom. Donc ce n'est pas une partie de Pac, c'est PACQUS. Tu dis Pac. Mais oui, mais tu dis Pac. Arrête. Et tu moi, dis Pac. Personne ne va écrire Pac. PAUC. Oui. Bien sûr que nous aussi, on a pensé à la fête. Oui, mais bon, voyons la carte. Attends, t'écris PAC, PAC, toi. Bah oui, la PAC. Mais non, mais tu la dis PAC. Politique agricole commune. Oui, vachement. À part toi qui parle politique en serrant. Mais c'est enfant. Et t'es pas de retrait. Nous, on est religieux. Pour moi, tu dis PAC. Donc. Moi, je crois à l'argent, tu vois. Des gros faux culs. Nous, on est des purs religieux. Oui, d'ailleurs. Et la messe, on a pleuré. Gloire à Jésus. Ah, gloire à Jésus. Gloire à Lloyd. Gloire à Lloyd. Gloire à cette mère. La physique, c'est. Métrusque, on pourrait le clouer. Le chapeau en plus. Cette métrusque qui suce. Puis les gosses en moins. Cette métrusque qui suce. Bien sûr, cette métrusque. Notre ami, cette métrusque. Cette métrusque, c'est gigantesque. C'est le général qui envahit la Belgique. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Elle des parties. Si tu dis Pac pour Paco. Ce n'est pas une partie, c'est un mot. Non, c'est une partie. Il a raison. C'est venu pour nous entuber, toi. Non, mais on était bien les Oasis. C'est mon meilleur copain, Oasis. Ouais, bon, remettez-le et puis on y va. Non, j'ai retiré. C'est un Oasis. Non, mais tu la remets dans les. Tu veux qu'on le remette? Dieu qu'on le remette. Mets-le au milieu. Il s'en souvient pas déjà, il s'est endormi. Derrière la ton télé. Ton copain devant la télé. Mon Jaja, il est derrière moi. Il est fini? Oui. Non. Oh, non. J'en prends pas d'autres. Non, il est pas fini. Mais il y en a pas d'autres. D'ailleurs, nos verres sont vides, Anna. Et ben, il est pas fini. Moi, il me reste deux doigts. Anna, il me semble que tu es dans un pire état que nous. Pas du tout. Et que nos verres sont vides. Il y a plus de menthe. J'en fous, on peut faire ça. Alors remarque, on peut. Non, moi aussi, moi je tiens pas. Il n'y a plus de citron en fait. C'est Oasis. J'ai hâte de devoir faire les mimes. 2, 3. Crachat. Lama, Serge Lama. Mais toi-même. Mèche. Titeuf. Et non, c'était Tintin. Et oui, c'est vrai. Classique. André Rieu. Violon, mais. Ah oui. Parfum. Paco Rabanne. Si, c'est Paco Rabanne. Et Parfum, Paco. Je suis pas sûr. Oui, c'est la même étymologie. Il y a une partie du mot dans parfum et pas tintin. Ta gueule. Imiter. Non, mais c'est vrai. Hein? Imiter. Le mime Marceau. D'ailleurs, Pac, il y avait Paco. Imiter, mime. Et vos gueules, putain. Alors là. Ouais, il s'est de la toute façon, c'est fini là. Top. Grand. Top. Moi. Voilà. Bon courage. Grand, moi. Oui, c'est pas. 1, 2, 3. Allez, Randall. Cul. Si tu veux, merde. Pas du tout. Non, tu m'as gelé. Peck. Willow. Bien. Ah putain, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. C'est qui Willow? C'est le film. Géant. C'est pas Willow du coup. J'ai pas gagné ça. Ah mais oui, c'est comme ça que j'ai fait le vinyle, donc je sais. Actrice. La Ticciolina. Oui. Oh oui, putain. Professeur. Le professeur. Non. Top. T'es géant, professeur, putain, merde. Bon, elle en a gagné. Où sont nos quêtes ? Top. 1, 2, 3. Il a dit. Non, c'est pas nous, ça. C'est bon, ça c'est nous. Si, si, ça c'est nous. Mais il y a les deux. Il y a les deux dessus, c'est les nôtres. Et non, mais prends pas tout. Le mime Marceau. C'était quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non, non, non, c'est bon. Dis ce que c'est. Non, mais alors, fais voir les cartes. Si tu me crois pas, va te faire foutre. Je te crois pas. Il te croit pas. Fais voir les cartes. Non. Il te croit pas. Non, je déteste qu'on me croit pas. Mais on en a trouvé deux à la dernière partie, c'était celle-là. Mais dis ce la que c'est. La petite Cholina, je veux quoi là. Docteur Petio. Non, Docteur Petio, c'est nous. Docteur Petio, on va te faire deviner pour nous. C'est Willow que vous avez fait devino. Ouais, je vais pas deviner. C'est pas grave. Non, ça, c'est, la mise. Oh, c'est grave. Là, ça commence à devenir très dur. Oh, on échange. Ah, voilà. Ça devient très dur. Ah, je mais là, tu comprends, crois, ça change. Voilà. Je crois quand on va aller à la rencontre de Musica et de Musica. Elle va te dire. Musica. Elle va te dire. Elle va te dire. C'est un gros remplacement. Ça en fait deux à renvoyer. C'est deux fois plus cher. Salut! On a fini d'avance. Il en faut moins 3. Oh la vache! 18! Ah, oh la vache! Et donc nous ça fait 1, 2, eh putain, 3, à ce point là! 4, 5, 6, 7, 8, on a intérêt de se rattraper là! 27! Là ça va chier! J'appelle Mathilde à la rescousse! T'as raison, parce qu'il faut putain, qu'on tu vas te faire il faut qu'on tuer. Il faut qu'on recalcule. Non, parce que nous, on s'en fout. Je vais faire un bisou. Si on vit pas avec. Mais je vais dormir avec vous. Entre vous. Entre vous. Et si tu veux, tu peux venir dans la caravane. Oui, d'accord, c'est gentil. C'est l'amour qui se lie entre vous. Mais je ronfle pas en plus. Il m'arrive de parler, mais pas de mana. Moi c'est juste pour engueuler quelqu'un. Moi, je parle de Google. Il est même pas là. C'est mon frère. Gros con. Mais il est même pas là. Qu'est-ce que mais c'est vrai. Tu n'invente rien. C'est toujours enregistré. Oui. Souvent mon frère. Et moi je parle de Google Chrome. C'est un peu pareil. Moi je parle de fémur et de contenu d'estomac. De... Moi je parle pas, je joue à des jeux vidéo, je regarde des podcasts, je fais ma vie, moi les gars. Pendant que d'autres ronflent. C'est un coup. Moi j'ai lu tout le Tolkien. C'était. Le dernier qui a été deviné c'est. Docteur Petio, c'était moi, donc c'est David Petio. Vas-y, donne. C'est moi qui mets. L'imitation vient de David. Ça va chier. Il est très limité là pour l'instant. Ah putain, je vous jure que là, à part Yann Tiersen, je ne sais rien limiter. Oh putain, j'ai même pas besoin de faire ça. Tu peux passer, tu peux passer. Un, non, j'ai pas besoin. Deux, trois. Docteur Petio. Non, Willow. De connard. Non, non, non, ça passe pas. Ouais, hop, je. Yann Tiersen. Non, mais je suis. Non, non, tu es là. Je suis rien. C'est trop possible. C'est tellement irréaliste. J'enlève la fesse. Tu peux jouer aussi en effet. Ouais, mais regarde-toi. Alors moi, je voulais jouer tous les deux. Putain, je sais pas où il est. C'est Yann Tiersen. Top, top, top, top, top, top. Eh oui. Eh oui. Connard. Le barbare. On va dire mais oui. Tu donnes la bonne réponse, bordel. Mais il faut m'expliquer le fonctionnement des trucs. Ça, je vais chercher prêt ton DVD. Attends, je vais le mettre debout. C'est pas où il est. Parce que je suis sûr que je l'ai celui-là. Attends, mais reste à ce. Ah putain, il est agir à gauche, je le vois. C'est un fou mec. Ça va super. Les mots, les mots. Non, on crache dessus. Les mots. Prêt. Oh putain. Ouais, c'est bien. Le plafond. C'est quoi ça? Tourne le sol. Faut que tu m'aides pour trouver le DVD, je peux plus lire. Bobby la pointe. Fabuleux Bobby la pointe. Non, il a droit qu'à une réponse. Oui. Le fabuleux agneau. Ah, je l'ai. Putain, je me souviens de rien, c'est horrible. Oh, je l'ai pas, je suis désolé. Moi, je l'ai aussi. C'est quel DVD que je cherche? Randall, c'est quel DVD que je cherche? Bah, je sais pas. C'est. L'autre il me demande quel DVD dans sa collection. Je sais pas. Je suis désolé. Okay. Hey. Je vois que tu parles, mais j'ai David, prends pas le flag. C'est moi. C'est moi. Je sais pas trouver le DVD. Je sais plus lequel je cherchais. David, je crois que c'était la fiable. 3. Non, top, c'est passe, fini. Passe, passe. Dans l'état où on est, on peut pas suivre le doigt. C'est quoi, c'est un test? C'est juste pour dormir. Je me souviens même pas. Ah la vache! Je me souviens même plus qu'il y a dans les cartes en fait. Oui, oui. Mais non, oui, oui, passe, non, passe, passe, passe, passe. C'était des jaunes, oui, oui. Putain, mais vous êtes mauvais! On est fatigué, hein, surtout. Oui, tout ça, c'est que la fatigue. C'est l'alcool. David! En sérieux! Top, Ryan Tiersen, top, top, top, top. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Mais non, merde, il fait pas du violon, il fait plein de choses, Ryan Tiersen. Il est là, le DVD. Il est là. Mais on s'en fout. Celui-là, je l'ai trouvé. Concentre-toi, ta gueule, assieds-toi et regarde. Ah non, on joue pas ta gueule. Deux, trois. Un, nazi. André Rieu, Ryan Tiersen, Ryan Tiersen. Oh le fumier. Ils ont dit André Rieu avant. Ils ont dit André Rieu avant. R2D2. C'est dégueulasse. R2D2 qui fait comme ça. C'est triche quoi, putain. Je suis vert. Ouais, c'est bon, on sait que tu sais lire un livre. Arrête tes conneries. Ah, je l'ai. Passe. Ils ont dit André Rieu. Ils ont dit avant. Et il y a le dragon. Putain, mais il est où mon DVD? Willow. Mais sinon, vous comptez faire combien de ça, Willow? C'est fini, héros! T'as dit Willow avant. C'était pas ça. Je sais même pas qui c'est Willow. Si, c'est un super film des années 80. Mais pourquoi il y a des noms que j'ai jamais vu de Willow? Peut-être que tu regardes des gens. Val Kilmer. Oui. Toujours. Le bouquin, le nain, qui joue. En fait, c'est pas R2D2, c'est le. Allez. Anna. Je vous laisse jouer tous les deux en fait. Ah, mais non, c'était l'autre. C'est fini. Qu'est-ce que c'était? Ah bah, je peux pas te dire. Je cherche pour réviser encore. Anna, je cherche le DVD d'Agence Tourisque. Tu me diras si je le trouve. Je pense que le mieux, c'est que tu les filmes. Mais si je trouve le DVD, t'as genre tout lisse. Arrête. Ça veut dire que c'est un monsieur. Ah si, je comprends bien. Par contre, je pense qu'il faut que je m'en aille. Il y a trop de choses. J'ai mis des trucs. Ah bon. 1, 2, 3. Mister T. Non, le DVD il est là. Merde. Titeuf. Mister T 2. Ouh. AMCF. Paul Petiot. Paul Petiot. Putain, ils sont forts ces cons. Non, mais il est fort sur lui. Un marron. Paco Rabanne. Oh, meilleur en Espagne. Un canapé. Il fait peur. J'ai l'impression de voir un troll se balader dans le monde. Putain, je sais ce que Bernard Minet. Bonne réponse. Oh non. Quoi? Il a dit ils sont passés. Il a parlé. Il a parlé. Non, non, oui. Il a parlé. Non, il a parlé. Ah non, non, c'est bon, il a parlé. T'enlèves ta carte de merde. Il a parlé, arrête tes conneries. Il a passé, de quoi il a passé? Il a dit ils sont passés où? Prenez pas, ça fait deux fois. Non mais de toute façon, c'est fini pour nous, donc arrête. Il a parlé. Il a parlé quoi. Et essaye de bien jouer. Vous commencez à me faire chier. Putain, mais il a tout renversé et il a le chat qui va venir. Il va tout picoler. Ah mais il était là. T'es où Randall? Il nettoie la merde. Ah oui putain, le il a parlé. Il a parlé, là. Vous déconnez là. Je veux bien l'enlever, moi, le Bernard Minet. Pas prends les serviettes qui sont sur la table. Depuis Angélique, marquise des Angéliques, on n'arrête pas. C'est dégueulasse. On a réagi plutôt. Randall, ils ont enlevé le point. Ça, vous avez de la chance. Mais il parle quoi, bordel? C'est facile. Oui, c'est facile. Oh là là, il est où le chat? Mais moi, Bernard de Bernard, où est le chat? Moi je pensais qu'il parlait des coussins, je suis. Oui, Jean-Michel Coussin, c'est pas sûr. C'est pas David Coussin. David, remets la carte. Quelle carte? Bah, Bernard Minet. Non, non, bah. Elle est éliminée, c'est bon. Ok. Tu regardes Randall? Ah ouais. 1, 2, 3. Mike Tyson. Oui. Allez-y. Elle est toute vachement. Ah, c'est Sergio. C'est pas mime. Comment elle s'appelle l'actrice? La Ticholine. Non mais putain, non mais non. Attends, Amélie Poulain, la Ticholine. Mais non. Elle est plate. Mais elle est plate. Mais non. Mais non. Mais si, elle est plate. Oui, oui. Je, Jonathan. Tap tap tap tap tap tap tap tap tap. Je te laisse la mimer, j'espère que tu feras comme moi. C'est dans l'armée des poulains. Non mais nom de Dieu. C'est mon film de préféré, il est pas pour ça. Alors attention, attention, attention, attention, les garçons. On est d'accord. C'est prêt. Ouais, c'est je sais pas de quoi tu parles en fait. Hein? Je suis content de pas l'avoir fait, finalement. Alors pète du cul, mais c'est pas. Pas loin. Ah, machin sans paix. Trop tard. Il a donné une réponse, bordel de merde. On peut faire des onomatopées. Non. Il a donné une réponse. Bobby, la pointe. Il fallait le nom. Mais alors, il a donné une réponse, c'est fini quoi. Docteur Petiot ? Bah, il est déjà tombé. Et c'est... Ouais, ça va, bon d'accord, ok, on peut dire ce qu'on veut. Du moment qu'on n'aille pas au bout de la réponse. Oui, t'as des gros yeux, mais je sais pas. La pointe ? Comment c'est la pointe ? Deuxième réponse ! C'est fini ! Stop. Non, mais c'est beau, c'est vrai, tant qu'on va pas au bout, on a le droit de dire ce qu'on veut. C'est Jean-Jacques ! Non, mais c'est bon, on peut continuer, c'est pas grave, tu l'as pas dit entièrement. Ta gueule ! Les deux l'ont fait, quoi ! C'est ça, les deux l'ont fait ! Lesquels ? Ah non, je suis dégoûté. Ah non, non. Mais ils sont passés où, les chats ? Je suis d'accord. Ce sont tes adversaires. Je m'en fous. Dis donc, Montiel, ils sont passés où, les chats ? C'est ça, ça va, c'est pas Bernard, t'as pas dit Bernard, ça compte pas. Ok, David. Les deux l'ont fait dans le même tour. David. Et elle, cette traîtresse, elle vient avec nous pour dire. C'est bon, papa. On l'a retiré le point. Arrête, le contraire. D'accord ? C'est à nous. Et cette fois-ci, tu te concentres bien. Je suis pas concentré. Tu es parti ? Tout ce que je sais, c'est qu'il triche. 2, 3. David. Vous êtes tout. Non. Mais moi, je l'ai dit en une fois. J'ai pas triché. Tu vois la différence ? Alors que ce connard. En plein milieu. Merde, on va le faire. Il y a personne. J'ai le droit, c'est que la deuxième réponse que je donne. La Ticholina. C'est déjà fait ça. Non. Non, allez, il a donné. Non, top. Zap. C'est fini, non? Top. C'est pas fini tant qu'on l'a pas dit. Non, j'avais dit top avant. J'avais dit top bien avant. Tu l'as retourné. Oui, tu peux la mettre derrière. Oui. Comment tu l'as retourné 2 heures avant qu'elle commence. Non, j'ai fait en même temps. Et tu les sauves, quoi. Tu vas dans leur sens alors que le mec il fait. Et toi, non, c'est toi. C'est fini. Arrête. C'est fatigant. Putain, toi tu dégages. Toi tu sors de ma maison. 1, 2, 3. T'as mis les poulains. Ouais, c'est bon, on a compris. Ah, je l'ai. Waf. Ah, il a dit waf. Il a le bras. Non, c'est un mot. Onomatopée, il a professeur Tournesol. Oui, en tant que chien, c'est un mot. Ah, attends, oui. En tant que gros chien baveux. En tant que gros con. La Ticholina. Putain, mais tu l'as fait tout à l'heure, change. Passe. Willow. Non. Non, j'ai dit la Ticholina. C'est pourtant évident. La Ticholina. Champé, Jean-Jacques Champé. C'est fini. Top. Ah, ça va le coup de tricher. Mais c'est pas ça. Non. Randall, mais pourquoi tu fais ce mime-là en faisant non? Droit dans le champ. Là, ça ne présente plus, là. 2, 3. Ah, je l'ai. Je vais avec une poche du dormir. Il est déjà tombé. Willow. La Ticholina. Elle n'est pas tombée encore. Charline Galtz. Mais oui, putain. Mais tellement. C'est de même. À la fin, c'est. Non, j'aime pas. Comment je l'ai pas. Elle m'a déjà fait, mais je l'ai pas. Top. Je l'ai. 1, 2, 3. Guy Montagnier. Je croyais qu'on l'avait trouvé tout à l'heure. La petite chenille là. Non. Elle est tombée. Pourquoi ? Parce que les débuts, ils font ça. Zeus de Spirou ? Non. Parce qu'il y a le fond, c'est bien. Ça suffit. Non. On part sur le vécu. C'est pas que... Bien sûr qu'il est pas aveugle, mais tout le monde dit qu'il est aveugle. La petite chenille. Non. Elle est tombée, déjà. Bon, bah, écoute, je passe. Audrey Toutou ? Non, elle est déjà tombée. Ah, ok, vas-y, c'est bon. Attends, hop, je passe. Ah, non, Catherine Lara ! Non, je refuse, je passe pour prendre la première, pas possible. C'est fini, tout ça. Je suis d'accord pour une... Ah, oui, putain. Ouh, elle passe. Surtout que ça faisait 3 fois qu'il essaie. 1, 2, 3. Merde. Oh, merde, franchement, vous me laissez quoi, là ? La Ticholina. Lara Fabian. C'est plus son nom. Lara. C'est une Lara. Non, tu peux pas essayer. C'était, c'était pas la carte d'avant, carte. C'était pas la carte. C'était notre carte. Il y avait Lara dessus, c'est tout. Louis Lou. Ariel Sharon. Top, top, top, top, top, top. Vas-y, courage. Top. Ariel Sharon. Lance, lance, lance. Non, je la connais. Lance, je la connais. Cédric Lapiche. Panache. Je sais pas comment faire deviner, lui. Le piano, son piano. Oui. Oh. Oui. Allez, démerdez-vous avec le calcul des points, vous m'avez énervé. Connard, vous êtes de vos races, je vous déteste, je vais dormir dans la caravane et vous dormir ensemble. Ah putain, ils ont peut-être battu. Je vais mourir. Non mais putain. On en a 13. J'allais vous. On a combien de 10, 11, 12, 13. 13 minutes, je suis pas lâche. Je m'en vais, je rentre chez moi. Combien 19 plus 10 29 32 19 plus 10 29 et 13, 32. Donc là ça fait 4, ça fait 27, 4, ça fait 22. Non mais tu comptes en plus. Là ça fait 24, 22. Ça fait 14, ah oui, non, ça fait 22, donc ça fait 42. Ah putain, ils ont battu, ils ont battu. Non, c'est bon, qui c'est qu'on non, a, on a gagné. Oh merde, même en trichant. Même en trichant, on gagne. Tu sais qu'à la fin, il me donnait les réponses en désordre. Je oui, c'est celle-là. Mais du coup, c'était quoi le dernier son? Le panache. C'est genre. Jacques Chirac. Oui, merde, elle est pas dedans. Elle est pas dedans. Oui, c'est celle de dernière. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est Jacques Chirac. Ouais, c'est ça, elle est pas dedans. Mais c'est ça, parce que personne ne l'évite. Jacques Chirac, Ariel Sharon, je ne sais pas. Oh la vache. Mais là, justement, le principe à la fin, c'est que t'enchaînes, tu fais non, c'est pas ça. Mais quel jeu de con. Oui, mais c'est marrant. Ah non, moi je vais dire c'est ça, mais après, c'est bon. Il t'a donné la mauvaise carte.